Message 1. Salut, c'est comme on a dit, c'est pour savoir si t'es dispo demain après-midi pour le salon de l'étudiant. On peut se donner rencard au métro ou si t'as ta caisse, tu me prends. Rappelle-moi pour me dire si c'est OK. J'attends ton coup de fil. À plus. Message 2. Bonjour, je t'appelle comme prévu pour savoir si t'es libre pour aller avec moi demain après-midi au salon de l'étudiant. On peut se donner rendez-vous à la station de métro ou tu peux passer me prendre chez moi si t'as ta voiture. Rappelle-moi pour me dire ce que tu as décidé. J'attends ton coup de fil. À plus. Message 3. Bonjour, je vous téléphone comme convenu pour savoir si vous êtes disponible pour que nous puissions nous rendre ensemble au salon de l'étudiant. Soit nous nous retrouvons à la sortie du métro, soit vous venez me chercher si vous êtes motorisé. J'attends que vous me rappeliez. À plus tard.